Leurs droits syndicaux bafoués. Les étudiants sont fâchés parce qu'ils veulent la liberté. Papé Longa, les Mouroudis, parce qu'ils ont été cognés. Les médecins sont fâchés parce qu'ils sont mal payés. Les ouvriers sont fâchés parce qu'ils ont été compressés. Le gouvernement est fâché. Les caisses de l'État vieillent vidées. Waribana, waribana, bereya bébé con. Waribana, waribana, bereya bébé con. Waribana, abana, bereya bébé con. Waribana, waribana, bereya bébé con. Cotonou yadra, a Bamako drabata, a Conakry yadra, a Cotonou yadra, a Morovia drabata, a Libreville yadra, a Cotonou yadra, a Dissadeba drabata, o Abidjan yadra, a Cotonou yadra, a Morovia drabata, o Aribana, a Bana, Pereya Bebekon, o Aribana. Abana, Bereya bébé con. Waribana, abana, Bereya bébé con. Waribana, abana, Bereya bébé con. Anya ben kelemo, badelue, anya ben kelemate. Anya ben kelemo, badelue, anya ben kelemate. Ikube kuma o teto. Vive comment, tais-toi PIT. Vive comment, tais-toi USD. Vive comment dans les têtes.